Devenu milliardaire en partant en vacances. Après avoir essuyé deux échecs en tant qu'entrepreneur, Nick Woodman, lessivé, rassemble ses dernières économies et décide d'aller en Australie pour faire du surf avec des amis. Sur place, personne ne veut se sacrifier pour prendre les autres en photo. Tout le monde veut profiter des vagues et frimer devant la caméra. De ce problème, naît une idée dans la tête de Nick. Peu de temps après, GoPro est créée. L'entreprise est aujourd'hui valorisée à presque 1 milliard de dollars. C'est comme ça qu'un chômeur professionnel est...